Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Bonjour à tous, bienvenue dans ce club VIP avec un programme toujours, ma foi, sur les chapeaux de roue. Léna dans les studios qui est assez en forme aujourd'hui, je dois dire. Elle est aux couleurs estivales avec beaucoup de d'esprit, de joyeuseté, on peut le dire comme ça. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Ouais, ça va. Impeccable, et toi-même? Alors, ce programme. Attends, voilà, j'enlève le retour parce que oui, ça, parce qu'on a eu un cyclone Macumba qui a passé voilà, dans les studios. Voilà, c'est ça, c'est le club Macumba qui était hier. Donc aujourd'hui, nous allons retrouver le sondage, la série radiophonique, la Summer Chronique, le journal de la rédaction. Le samedi jour et le canular. Et t'as rien oublié, c'est ça qui est bon. Bah ouais, je suis trop prête. Pour la musique, Christophe Willem, double jeu. La suite, c'est également donc le sondage à venir. Le VIP. C'était Christophe Willem avec Double Jeu. Tous les samedis, Estival FM fait bouger ta soirée et t'offre un direct avec la discothèque Le Way Not. Tu vas entrer progressivement dans un autre niveau. Le VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Et oui, vous êtes avec Léna, Jack, moi-même, et puis cette bonne ambiance qui vous accompagne. Ça va-t-il pas? Ça va-t-il bien, Léna? Oui, pardon. Oui, ça va très bien. Bon, bah c'est super. Alors, La suite d'ici quelques instants, ce sera le sondage du jour. C'est un particularisme de l'été décrypté par une experte des sondages. Voilà, c'est ça. Oh, c'est énorme. Oh ouais. Bon, bah, on va retrouver ça d'ici quelques instants. Juste avant, nous retrouvons Moss Armstead, You're Not Alone. Et la suite du programme, bah, ça arrive avec Elena dans les studios qui prépare encore. Elle est en train de sonder des personnes. C'est assez impressionnant, ces techniques. Club VIP, à l'instant c'était Moss and Sad, You're Not Alone sur l'antenne. Y'a Léna dans les studios ? Oui, toujours là. Bien fraîche aujourd'hui, la Léna, servie avec des glaçons. C'est comme ça, la radio, les auditeurs aiment bien retrouver leur Léna. Voilà. Justement, quand elle parle sondage et qu'elle va sur la plage décrypter un peu ce qui est tendance ou pas tendance, ce que les gens aiment bien faire ou pas faire, voici venu le temps du sondage du jour. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Alors, la question c'est, pourquoi avez-vous choisi Perros-Guirec comme lieu de vos vacances cette année ? Alors, on m'a répondu, c'est une vie accueillante et chaleureuse. Donc tout le monde aime bien Perros, c'est la ville de nos vacances depuis des années. Donc j'ai rencontré des touristes, ça faisait 10 ans qu'ils venaient en fait à Perros. Ouais. Dans le même camping, au même endroit, c'était super, super intéressant. Et en fait, il y a eu un petit garçon qui dit, c'est pour voir mamie. Oh. C'est mignon, hein. C'est la plus forte. Voilà. Enfin, pour réussir à tirer des informations des petits garçons, voilà, sympathiques.

Beau programme en perspective qui vous attend. Ce sera l'épisode 13. Ah ouais. C'est ça. 13, ça porte chance. Ouais, il est exceptionnel cet épisode. Le club VIP. Solo de guitare. Club VIP. Le club VIP, c'est avec Tokyo Hotel. Le titre, c'est Uber and Der Walt. Ça, c'est bien dit. Nous sommes avec Léna dans les studios. On s'amuse bien. Oui ? Oui, je suis toujours là. On s'amuse bien quand même. Oui, c'est vrai. Dans une bonne ambiance estivalière. Oui. Et ça continue parce que je crois que j'ai lu le programme, ça allait être énorme. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la suite ? Bah, la série Kiss Kiss Forever. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'il y a une page publicitaire ? Est-ce qu'il y a une page musicale ? Je ne sais pas. C'est comme tu veux. Ah, c'est comme je veux, oui, moi ? C'est comme toi, tu veux. Bon, bah, j'interroge du regard les auditeurs qui disent peut-être qu'on veut bien la série. Est-ce qu'elle est calée, Jack ? J'annonce que oui, elle est en train de se caler. C'est l'épisode 13, donc, de la série Kiss Kiss Forever. Une série radiophonique de 20 épisodes. Donc, pensez bien que vous êtes à plus de la moitié. C'est un dénouement énorme. C'est un acteur qui a perdu la mémoire, qui essaye désespérément de la retrouver, qui a une épouse plus ou moins étrange. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Et voici l'épisode 13 de votre saga radiophonique Kiss Kiss Forever. Si vous n'avez pas suivi les 12 premiers épisodes, pas de panique. Il y a un résumé à chaque début d'épisode. Brian est un acteur amnésique. Après avoir perdu la mémoire, il se rend compte que des proches cherchent à le supprimer, au moment même où un producteur lui rappelle qu'il avait passé un contrat avant son accident. Voici l'épisode 13 de votre saga radiophonique Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Menace proche ». Résidence Forever, 22h13. Je suis venu aussitôt que possible, Donald. Vous devez vous demander quel contrat nous avions passé avant votre accident. Oui, avant que je perde la mémoire, précisément. Il faut savoir, Brian, que vous étiez un grand acteur de série B. J'ai vu mes téléfilms et je me suis trouvé intéressant. De façon générale, le public féminin vous trouvait intéressant. D'ailleurs, vous m'avez parlé d'un projet que nous allions signer. C'est exact. L'acteur de série TV que vous étiez comptait faire décoller sa carrière avec un film digne des plus grandes productions. À l'ouest de l'amour. C'était le nom du projet. J'allais gagner beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Non, puisque vous étiez producteur associé avec moi. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que j'ai financé la moitié, vous l'autre moitié, soit 7 millions de dollars. 7 millions de dollars? Oui, c'est la somme que vous pourriez récupérer en hypothéquant votre maison d'Hollywood et le chalet de montagne que vous aviez dans les monts d'Arry. Ainsi, le patrimoine commun de vous et de votre femme allait servir à vous propulser en haut de l'affiche. Je me rappelle à présent, mes souvenirs remontent à la surface. Alors, vous devez vous rappeler que votre femme n'était pas très chaude pour ce projet. Attendez, je viens d'avoir un flash, laissez-moi quelques secondes. Tu ne vas pas liquider notre patrimoine pour te voir sur grand écran. Le public m'attend, Pamela. Sais-tu ce que c'est que de recevoir chaque jour des milliers de peluches? Peut-être qu'à la télé, tu tires ton épingle du jeu, mais à Hollywood, l'épingle va se retourner contre toi et te dégonfler. Attends, qu'est-ce que tu fais? Pose ce revolver, Pamela. C'est ridicule. Mon Dieu! Donald, ma femme a tenté de me tuer. Alors là, on est vraiment étonnés. Quand même, Pamela, qui tente de tuer Brian, son mari. Que va-t-il se passer, vous le saurez, d'ici moins d'une heure, avec l'épisode 14. Mais pour l'heure, voici Amel Bent, annoncée par une vacancière d'ailleurs, me semble-t-il. Salut, c'est Lucie, retrouvée sur Estival Amel Bent avec Nouveau Français. Casé dans des cases, fiché sur des fiches, au discours de base. Et front sur l'affiche, même si on a marre, sans juger personne, y'a qu'à seulement voir les clichés qu'on donne. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce pays? Moi je viens bien de quelque part, mais je suis ici. Qu'on a la chance d'être là, faut pas qu'on l'oublie. Je viens bien d'un endroit, mais je suis ici. Mais qui fait des histoires vraiment dans ce nouveau. VIP. Ah, c'était bien, c'était le club VIP avec Amel Bent, nouveau français. Il y a Léna dans les studios. Toujours là. Présente. Présente. Faut faire présente. Hein. Présente. Non, mais sinon, je sais pas, je pointe moi. Alors, qui c'est qui est absent? On ne dira pas, les absents ont toujours tort. Voilà. Fabretto d'ici quelques instants, People of the Night. Vous savez, c'est la chanson qui commence par des Allemands. C'est oui, ça, c'est vrai. C'est ça qu'on dit des Il y aura dans la suite du programme, me semble-t-il, la Summer Chronique avec le Rétromédia. C'est bien ça. Oui. On va plonger dans les archives oubliées pour vous les restituer à l'antenne. C'est ça. C'est ça le principe ? C'est ça le principe. Oh bah c'est bon, on peut s'écouter un petit Fabretto. Si tu veux. Que je suis bien calé sur le Rétromédia. Et on se retrouve juste après pour la suite. Fabretto. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. La VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Vous avez compté le nombre de boum boum les auditeurs? Dommage, vous auriez pu passer à côté du scooter estival. Ah ouais, ah bah ouais, c'est dommage. Il y en a encore. La suite du programme avec Léna dans les studios. Oui, c'est la Summer Chronique avec le Rétromédia. qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ça fait c'est peur. C'est les archives audio oubliées. D'accord. Aujourd'hui, oui. Je me suis laissé aller vers les parodies. C'est vrai ? Ouais, un rétromédia consacré aux parodies, on va voir. On écoute ? On écoute. Rétromédia, rétromédia, des archives audio oubliées. Rétromédia vous propose de redécouvrir des archives audio qui vous auraient échappé et qu'heureusement nous avons récupérées. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les parodies musicales. Balayer devant ta porte. Et en balayant sur internet, on a découvert des reprises parodiques quasi irréelles. Imaginez Étienne Dao reprenant Tata Yo-Yo d'Annie Cordy, vous vous dites c'est pas possible, eh ben si, c'est possible. Tata Yo-Yo, dans ma tête, y'a des tas d'oiseaux. Merci Étienne. Allez, toujours plus fort, toujours plus intense, Pascal Obispo reprenant le générique d'Olivier Tom, façon poète de la chanson française. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour assembler nos espoirs, pour forcer la victoire, la victoire. Allez ! Olivier et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, pour écouter des dizaines de titres complètement décapés par des artistes décapants, rendez-vous sur parodiedechansons.over-blog.com. A bientôt pour un prochain Rétromédia. C'était Rétromédia, Rétromédia. Le club VIP. Il y en a de ces petites perles musicales. J'ai adoré les Gypsy Kings avec Candy. Oui. Oh, paye le Candy. Olé. Mason, featuring Princess So Perfect, c'est pour vous les auditeurs. Sans doute le titre qui cartonne, Mason featuring Princess le plus, hein, So Perfect. Énorme sur l'antenne. Le club VIP. Je vais entrer progressivement dans un autre niveau. Le club VIP, l'émission qui fait boum boum. Je vous rappelle que le club VIP fait boum boum, au cas où vous l'auriez pas entendu, hein. Et que... notre animatrice fait également boum boum. C'est vrai. Fais voir. Bah oui, mais non, il y a pas le, il y a, je le ferai tout à l'heure au boum boum. Pour vous accompagner dans la suite de ce programme, nous avons le sommaire toujours avec vous, avec nous. Et qu'est-ce qu'il y a dans la suite ? Ah ah, le journal de la rédaction, je crois. Ah ah, ça fait bien peur, ça. Donc la rédaction va être en état de panique pour vous trouver toutes les news. Bah, tu les vois pas courir déjà dans tous les sens. Arrêtez, Jean-Pierre. Parce que nous avons Jean-Pierre, pas Pernaud, un autre Jean-Pierre qui nous aide à faire les articles, les rédiger, tout ça. Enfin, c'est important de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de monde pour ce journal qui arrive, qui débarque sur l'antenne. Juste après un featuring Willy Denze en vogue, ça donne ça. Come on. What's up? Here we go, y'all. Here we go, y'all. Don't you ever stop. This is what I'm about. This is what I'm about. Baby, share my world. Now that I'm your girl. Don't you ever stop. This is what I'm about. This is what I'm about. Baby, take it slow. Don't you let me go. Dreams do come true. I'm so into you. For the rest of my life, my only need is to hold you tight. Baby, you should know that I want you to stay with me, 'cause it feels so right. Coucher de soleil sur le boulevard avec Willy, viré en 4x4. On s'arrête au feu de princesse Black Map. Elles sont belles dans leur décap. Je demande ce que vous faites. Pour moi, dès que je vous ai vu, c'est je tchatch avec ces belles demoiselles. En vogue ici, si Willy, carte de rime, et pas William Farrell. Don't you ever stop. This is what I'm about. This is what I'm about. Baby, share my world. Now that I'm your girl. Don't you ever stop. This is what I'm about. This is what I'm about. Baby, take it slow. Don't you let me go. Chicago rime, Willy Denze. En fusion pour un vogue, reste ton fat, reste ton frais, pour que ce soir tout soit prêt. Hey. Avec mon seul lac, reste au 7ème siècle, tout est unique, d'un de télé. Loin de tous les spots, c'est que c'est un âme. De San Francisco, faut que je pose mes rimes sur la dance floor. Faut que chaque assemblée en fasse bouger leur corps. Ce soir, mes rêves, personne va me les briser. Je me ramène ma belle à ma chambre d'hôtel. Je vous passe les détails, mais je suis heureux d'avoir son sourire au réveil. Au réveil, au réveil, ok. Don't you ever stop. This is what I'm about. This is what I'm about. Share my world. Là, vous l'avez reconnu, et puis en vogue également, et puis quelques autres. La suite, très progressivement dans un autre niveau. La VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Oui, c'est ça, ça fait boum boum. Pas trop dans vos oreilles, j'espère. Enfin, un petit peu quand même pour vous réveiller. C'est Estival que vous écoutez, c'est avec Léna. On est aujourd'hui, on peut le dire jeudi, hein, on n'a pas peur des mots. Non, on est jeudi. On n'a pas peur des jours, on n'a pas peur des dates, on est jeudi. Et voici le temps de retrouver le journal de la rédaction. Vous savez, ce journal fait par les plus grands journalistes d'investigation de choc. Il y aura également le programme Estival Caparmore fait par la voix de Léna. Enfin, c'est toujours une prouesse énorme dans la radio. C'est maintenant. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. je le découvre en même temps que vous en plus. Alors, une Pékinoise de 103 ans veut porter la flamme olympique. La malédiction des pharaons a-t-elle encore frappé ? Oula, des grillons. Une Pékinoise de 103 ans s'est portée volontaire pour participer au relais de la flamme olympique des Jeux Olympiques 2008 qui auront lieu dans la capitale chinoise. Et elle fait des exercices 2 fois par jour pour être en forme, écrit le journal chinois en langue anglaise China Daily. Xiao Zhongzong a eu l'idée de participer au relais de flammes après avoir attendu pendant 3 heures dans sa chaise roulante pour être photographiée en compagnie d'un porteur chinois de la flamme au JO d'Athènes en 2004, ajoute le journal. Je suis en bonne santé, je peux aller partout où les organisateurs des jeux voudront que j'aille. 103 ans, formidable. Autre news, peut-être un peu moins gay. La malédiction des pharaons a-t-elle encore frappé ? Ça se passe au Caire. Un Allemand a remis à l'ambassade d'Égypte à Berlin un paquet contenant un fragment d'une sculpture de l'Égypte ancienne, accompagné d'un message disant que son beau-père avait été victime de la malédiction des pharaons après l'avoir volé. Ah. Pas de chance. L'homme s'est senti obligé de restituer l'objet, volé lors d'une visite en Égypte en 2004, pour que soit pardonné son défunt beau-père et que son âme puisse reposer en paix, a déclaré le Conseil suprême égyptien des Antiquités. À son retour en Allemagne, après avoir volé le fragment, donc le beau-père a souffert de paralysie, de nausées et de fièvre inexpliquées, puis d'un cancer avant de mourir récemment, explique l'homme qui ne donne pas son nom dans sa note, évidemment. Voilà. Elle a peut-être attrapé une maladie, du moins ben, à côté du Nil, je sais pas. Parce qu'il avait volé le fragment non, c'est égyptien. C'est pas vrai. Et c'est évident. C'est le Mais concours de circonstances. Est-ce que tu portes autour du cou une chaîne en forme de pyramide ? Mais non. Ah non, en fait, non. Non. La suite, c'est le programme estival Cap Armor avec toutes ces activités sportives et culturelles par la voix de Léna. D'accord, alors aujourd'hui, jeudi, donc pour l'après-midi, vous avez modelage de ballon de 16h à 17h, du football américain de 15h30 à 16h30 à Trestraou et de la tech de 16h30 à 17h30 et c'est à Trestraou aussi. Pour la soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30 et du bowling de 19h30 à 21h. Vous avez le podium jeune talent au jeudi de Trestraou de 21h à 21h45. Pour vendredi après-midi, vous avez fabrication de cartes postales en relief. Ça te tente d'y aller ? Oui. Ouais. Donc de 14h à 16h, tu as aussi un tournoi de foot sur herbe pour les moins de 14 et les plus de 14 à Kerabram de 15h à 17h30. Pour la soirée du vendredi, c'est balade en voilier, donc de 17h à 19h30 et du tennis de table en initiation de 17h à 18h et de 18h à 19h. Pour destination bien-être, donc aujourd'hui c'est la radio. Est-ce que tu as la zen attitude, Jack ? Bah je crois, j'avais même rajouté la triple zen attitude. D'accord. Et pour demain vendredi, le multimédia et toi et c'est à Trestraou. D'accord, bon, on va en faire de ces choses bien sympatoches. Merci en tout cas pour toutes ces news très informatives. La suite de la musique, c'est avec Yara, Like a Boy. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like like me, like where you be. As I'm out, four in the morning, on the corner rolling, doing my own thing. Happy on the side. If I act like you, won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again, dose of your medicine. What if I had a thing on the side? What if I made you cry? The rules change up, but would it still apply? If I made you like a toy, sometimes I wish I could act like a boy. What you mad, can't handle that? Can't be getting mad? What you mad? Chara, like a boy sur l'antenne. C'est bien. Je vais rentrer progressivement dans un autre niveau. VIP, l'émission qui fait boum boum. Boum boum boum boum boum boum boum. L'émission qui fait boum boum, qui déjante la tête, qui rend ma boule, c'est ici que ça se passe. Enfin, soyons raisonnables tout de même. D'ici quelques instants, Léna, tu vas t'élancer pour l'exercice le plus périlleux de l'histoire de la radio. Attends, je me prépare à sauter. Ouais, vas-y. Tu t'es mis en maillot de bain, j'espère. Non, pourquoi ? Il n'y a pas d'eau. Ah bah si. Ah si ? Tout exercice périlleux se fait au-dessus de l'eau. D'accord. Au-dessus de l'océan. Bah, je vais chercher mon maillot de bain et pour la chronique du saint du jour, j'arriverai, voilà. Et je sauterai. Elle va nous parler du prénom du jour et tout ça dans une ambiance très aquatique, visiblement. La suite de la musicaliste Sophie Baxter... Catch you. The morning paper, look in the mirror, on your keychain, or in the coffee spoon, on your shirt sleeve, in the flat screen, in your mailbox, I'm breathing over you. Come on, baby, when will you see that you and I were meant to be? And now I got my target on track. Baby, you should know that I'm so good at that. Sophie et Elise Baxter sur l'antenne avec Etchou. Entrez progressivement dans un autre univers. Le club VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. Oui, c'est le club VIP. Oui, ça fait boum boum. Oui, on n'a pas peur des mots. Ça y est, t'as enfilé ton beau pareo, Léna? Oui, ça y est, je suis en maillot de bain, je me prépare à sauter dans l'eau. Parce que toutes les chroniques se font comme ça, à bâton rompu. Avec vous les auditeurs, vous participez en direct à cette émission et on aime bien vous faire partager comme ça le sein du jour et la caractérologie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette bête? La caractérologie, c'est la psychologie du prénom. Waouh. Voilà. Allons-y alors. Sein du jour, un sein à l'honneur. Aujourd'hui, bonne fête à Rose, Rosane et Rosa. Bonne fête, Rose, Rosane et Rosa. Ouais. Alors, vous êtes une personne douce et pacifique, on vous trouve extrêmement sympathique, vous cherchez obstinément à fuir toutes les situations de crise ou de conflit. Avec une sentimentalité à fleur de peau, vous vous laissez porter en amour par les circonstances. Vous êtes réceptif pour ceux qui vous aiment. Waouh, wow. C'est quand même une belle caractérologie aujourd'hui, hein. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Et on appellera d'ici quelques instants Rose, Rosa Rosane. Ou Rosane. Rosane. D'accord. Clim, gym class, heroes, girlfriend. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. And not much of a girlfriend. I never seem to get lost. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell in love again. It's safe to say I have a new girlfriend. And I know it sounds so old, but Cupid got me in a chokehold. And I'm afraid I might give in. Towels on the mat, my white flag is waving. We even got a secret handshake, and she loves the music that my band makes. I know I'm young, but if I had to choose her or the sun, I'd be one nocturnal son of a gun. Take a look at my girlfriend, she's the only one. Since we talked last, and I'm trying hard not to talk fast. But dad, I'm finally thinking I may have found the one. Type of girl that'll make you way proud of your son. And I know you heard the last song about the girls that didn't last long. But I promise this is on a whole new plane. I can tell by the way she says my name. It's gonna be a long drive home, but I know as soon as I arrive home, and I open the door, take off my coat and throw my bag on the floor, she'll be back into my arms once more for sure. Like Eh ben n'empêche que vous écoutez le Club VIP, ça faut le dire, avec Léna. Oui, je suis là. Et nous sommes en compagnie de Gym Class Heroes Girlfriend. C'était le nom du groupe qui nous a accompagnés là. Chantez bien. Ouais. La la la la. La la la la. facile à retenir hein, comme morceau. C'est pas très compliqué. Ouais. Non, puis c'est une reprise, j'ai l'impression aussi de Supertramp ou Breakfast in America. Voilà, tu sais, tu reconnais un peu l'air. Voilà, exactement. À venir, vous avez trois nouveautés musicales qui vont débarquer sur l'antenne. Yeah. Oui, ouais, on a retrouvé enfin nos nouveautés. Des nouveautés. Merci les maisons de disques. Oh, c'est trop bien, on en avait besoin. Ouais, ils nous les ont envoyés, là, trois qui arrivent, qui débarquent pour vos oreilles. Bien. Rien que pour nous. Ah, ouais, bah, ils les ont sortis rien que pour nous. D'ailleurs, ils ont dit, c'est pour Estival qu'on les sort et on vous les envoie uniquement à vous. La musique, c'est Doc Tree, It's Not Over. I was blown away, what could I say? It all seemed to make sense. You're taking away everything, and I can't deal with that. I try to see the good in life, but good things in life are hard to find. We'll blow it away, blow it away. Can we make this something good? Cannot wait. We're wasting too much time being strong, holding on. Can't let it bring us down. My life with you means everything, so I won't give up that easily. I'll blow it away. Ah, il y a du progrès en guitare sur l'antenne. Ouais, Léna à l'instant. Wow. Avec le titre It's Not Over. C'était bien sûr Léna et Doc Tree, hein, le groupe qui chantait avec toi. C'est toi, tu faisais la guitare. Ah ouais, c'est vrai. Je suis trop fort, moi. T'es trop balèze, t'as progressé. Ouais. Hein. Parce qu'au départ, tu faisais des petits accords un peu maladroits. Ouais, maintenant je suis super fort. À chaque fois que vous entendez une musique, vous pouvez être sûr que nous, on retire les guitares et c'est Léna qui les fait en live. Ouais, bah ouais. Bah ouais, c'est comme ça. Ouais, ça impressionne, on est la seule radio à le faire. C'est vrai. On s'est dit, ça donnait un petit côté plus, vous savez, comme les réadaptations, les réinterprétations des artistes. Et bah là, c'est notre interprétation à nous. Bon, tu reprendras ta guitare tout à l'heure pour nous faire un petit morceau, Léna, d'accord ? Y'a pas de problème. Bon, ça fait bien plaisir. Nous allons retrouver également la chronique que tout le monde attend, puisque vous allez savoir s'il va faire beau ou pas beau. Je peux faire la liaison comme ça ? C'est pas mal, zou pas beau, je connaissais pas. On peut se risquer ça, c'est la météo. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été, en direct de la radio. je suis désolée, le soleil ne pointera pas le bout de son nez aujourd'hui. Le ciel restera couvert. Il fera 18 degrés au maximum pour les températures. Bah ouais, on échappe peut-être à la pluie. Je reste sans voix. C'est vrai ? Oui. Tu pensais qu'il allait y avoir du soleil ? Non. Non, non, non, je m'en doutais. J'espérais peut-être une éclaircie, mais dans tes yeux, elle est venue peut-être, tout simplement. Mario, how do I breathe ? Mario, bien sûr que vous avez reconnu avec le titre « How do I breathe ?» C'est très beau, c'est très dans la couleur du temps. Oui, très lover, ouais, très tout lover. À fait. Mais tout à fait. Nous sommes dans le Club VIP avec Léna. Présente. Et avec Jacques. Club VIP. Présent. Et avec Thomas. Ah, il ne peut pas parler, non, il est à faune aujourd'hui. Il est à faune. Ça va être difficile pour faire ta rubrique sportive alors ? Non, ça va, il va retrouver un brin de voix. Il est en train de manger du miel. Il a raison. C'est le meilleur remède pour retrouver la voix et la forme d'ailleurs. Le miel, c'est très bon. Oui, c'est pour ça que hier soir j'ai mangé du miel et ce matin aussi. C'est vrai. Bah et oui, t'entends plus ma voix de Robert. Ah, mais non, par rapport à hier, bah c'est ouais. Impressionnant. Parce qu'hier nous avions Léna Cressel, aujourd'hui nous avons Léna Limpide. Oui, c'est mieux, hein. C'est différent, c'est voilà. Bien mieux, ouais. Quand même. J'ai même mis une écharpe ce matin. Ah, bah tu voulais préserver la voix et les oreilles voilà. De nos auditeurs. Oui, parce que hier c'était un petit peu quand même dramatique. Ils t'en seront gras, ceux. Oh, c'est beau ça. Mokobé, c'est dans la joie, avec featuring Patson. C'est dans la joie qu'on fait quoi ? Bah, qu'on danse. Bah, qu'on simplement. Écoute le club VIP, moi je dis. Et aussi, tout à fait. Mokobé qu'on aura peut-être en interview, hein, c'est des petits bruits de couloir. Ça va chauffer ce soir. Les gros sont jolis comme ça. Il y a aussi des vilains. Mais on est ensemble. Et à sa beauté. La beauté, c'est pas la pharmacie. On est ensemble. Tirer le gros lot, on y va rapido. C'est du sûr, tu vas pécho, à l'aise. Ça grouille de sister, dans le collimateur des chasseurs. T'as du mal à danser comme Sean Paul. Si t'es raide, vas-y, joue des épaules. Remplis ton verre, trinque, vas-y, c'est mets la dedans. Nouvelle ère. 5, tout ce qu'il faut pour te plaire. Y'a des belles gosses, y'a des beaux gosses en force. Oh, c'est dans la joie que tu vas swinguer. Hey, t'en fais pas, on va se marrer. C'est la nouvelle danse, c'est la grande classe. Prends place, personne te remplace. On a la puissance, on voit la sono. C'est magie, y'a pas le feu, y'a pas le drap. Si tu manges pas de suite, ça va être froid. Rajoute une coupe, man. T'écoutes, fais comme chez toi, gars. Découpe, DJ. Perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes. Yes, papa. La foule te presse. J'ai déjà. Presse, y'a faux, lâche ton dernier pas de danse. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance. Eh, hey, mon Kobe, toutes les fans dans cette boîte, elles s'appellent Laisse-moi tranquille. Eh, mon tuyau. Jaune, bleu, le ciel, on s'en fout. Ça c'est cadeau pour vous, j'ai les jambes. Aïe. La go, remis ton affaire. Tiens ça. Yeah, hey, la petite, bouge ton bon chop. Fais pas trembler. On est debout 24 heures sur 24. On n'a pas de pile, hein, mais on fonctionne. Bah, comme nous. Pardon. T'as pas de pile, mais tu fonctionnes. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon. 0622 69 18 19. Allez, Léna, retire tes piles, c'est bon, on a vu que t'en avais. Non, moi j'ai pas de pile. Allez, retire-les. Non, j'en ai ton pas dos, ça se voit. Non, j'ai rien. Mais t'as même carrément une batterie, un accumulateur pour être aussi en forme. Ah mince, t'as vu alors. Ah, bah c'est... ah oui, j'ai vu. Tout à fait. Bon bah je suis grillée. Non, te grille pas parce qu'avec... Toi, tes piles c'est quoi? C'est du jus d'orange et un petit pain au chocolat, c'est ça? Ouais, mais ça marche bien. Je vois ça. Pour des piles, être grillé c'est mauvais signe, hein. Attention. Enfin moi je te lis ça, je dis rien. La suite du programme, nous allons attaquer avec le canular du jour. C'est une spéciale rose. Oui, donc que vas-tu faire? Voilà, c'est toujours un peu le... un petit peu le sujet récurrent. Qu'est-ce qu'on fait pour le canular de Rose? Il y a un boxing club Taekwondo La Rose. Ils font Taekwondo, Judo, Jiu-Jitsu, Kung Fu, Capoeira, Muscu, Danse Moderne, Jazz, Oriental, Hip Hop, Fitness, Body Step, Body Balance, Body Gems. Et c'est où tout ça? C'est dans la... À Marseille. Ouais. On les appelle? Bah vas-y, tu te fais passer pour qui? Pour Justin, un candidat de Star Academy. Et ouais. Ça marche? On y va? Allez, c'est parti. Ils avaient l'air d'avoir la pêche en plus quand j'ai appelé la première fois. Je peux te piquer un peu d'énergie? Vas-y, pique-moi de l'énergie, vas-y. Ah. C'est-à-dire, Sylvie, bonjour? Ouais, bonjour. C'est Justin. Je vous appelle pour avoir des renseignements sur les pratiques dans votre club. Oui. Donc en fait, très concrètement, moi j'ai très peu de temps, mais j'ai besoin de savoir danser en fait. Vous avez besoin de? Bah, savoir danser, bouger le corps en fait. Ouais. Parce que en fait j'ai été sélectionné donc dans une émission de télé-réalité qui va démarrer en fait en septembre hein, très clairement. Et le seul truc, c'est que j'ai un petit peu triché, je ne sais pas danser. Oui, alors sauf que je pense pas qu'on va pouvoir répondre à vos besoins, hein, dans le sens où nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est des cours de body jam. Ouais. Voilà, dans la section fitness, en fait, hein, les cours de body jam, et c'est tout, quoi. Parce que moi, l'idée, enfin, ce que j'avais vu, c'est que vous faites du jiu-jitsu, du kung-fu, de la capoeira, de la muscu, de la danse moderne, c'est bien ça? Moderne jazz, oui. Moderne jazz aussi, oriental, hip-hop. Ouais. Mais j'aurais besoin d'un panel, en fait, hein, très clairement. Écoute, alors le mieux, c'est que vous passiez au club. Mais est-ce que c'est du genre possible d'être assez bon en une ou deux semaines? Mais non, jamais de la vie, non. Même intensivement? Non, là, parce que là, il faut que vous preniez quelqu'un en particulier. Moi, je suis un bosseur. Hein. Oui, non, mais il faut prendre un prof particulier, quoi. Mais ouais, mais vous imaginez bien que là, je joue ma carrière derrière ça. Oui, je sais pas quoi vous dire, moi. Ah oui, non, mais... Et puis, il se trouve que là, je suis sur Marseille, là, je vais partir sur Paris dans deux semaines, voilà. Je suis plutôt dans les écoles de danse, alors, dans ce cas-là, je sais pas... Enfin, pas nous, on est un club de sport et on pourra pas vous former en 215 jours, quoi, c'est pas possible. Mais j'ai besoin de perdre 2-3 kilos, on m'a dit, au casting. il faut prenez un coach particulier, prenez un coach. Hein. Ah oui, mais attendez, pour l'instant, je suis pas célèbre. Donc ça va avec l'argent. Le fait d'être célèbre, pas célèbre, les coachs particuliers, dans toutes les salles de fitness, dans la majorité des salles de fitness, vous avez des coachs particuliers. Vous n'en avez pas, vous, éventuellement? Non, on ne fait pas ça. Mais sinon, parce que de toute façon, moi, ça va marcher pour moi, donc je pourrais... Ça peut être genre un deal, je fais de la pub après derrière. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a personne. On a personne pour vous coacher, vous personnellement, quoi. Oh là là. Bon, je suis quand même bien embêté parce que autant en chant, c'est pas ça non plus, apparemment. Mmh. Ils me prennent par rapport. Qu'est-ce que c'est comme émission que vous allez faire? J'ai pas le droit de le dire, je suis en contrat en fait. D'accord. Mais je vous cache pas que c'est un gros truc. Mmh. C'est. Ça commence par un S et il y a un A également. Les initiales, c'est SA. Enfin, je peux pas dire plus parce que j'ai un contrat. Donc vous me conseillez plutôt un coach? Eh oui, surtout en 15 jours, quoi. D'accord. Bon, Appelez des salles comme des grosses structures, parce que nous, on est une association. Ah, c'est ça. Voilà. Appelez plutôt une grosse structure, genre Oxygène, genre Capital Form. Vous avez Capital Form sur plan de campagne, en fait, à Cabriès. Ouais. Ils sont pas mal, eux. D'accord. Et je pense qu'ils font du coaching. Bon, ok. Bon, je vais voir ça plutôt. Des cours de body balance, des trucs comme ça. Donc, c'est pareil, vous allez pouvoir accéder. Mais... Rendez-vous directement sur place, n'appelez pas par téléphone, rendez-vous. D'accord, c'est peut-être mieux. Et je serai pas rancunier, je ferai de la pub quand même. Ok. Attention. Hein. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne fête. Au revoir. C'était pas mal le truc de la Star Academy. C'était bien trouvé. Mais apparemment, tu es un cas désespéré et on peut pas te faire danser. Hein. On dirait bien, effectivement. Mm-hmm. Bah parce que c'est vrai que ça reprend bientôt, hein, je crois. Il y a une édition de la Star Academy encore? Je pense qu'il y a des castings qui ont été ouverts. Ouais, c'est fait déjà, je pense qu'ils ont leur... Ouais, ça veut dire que ça va reprendre à l'antenne. Bah oui, normalement ça doit reprendre. Ah bah je suis rassuré. Dans le courant de l'hiver. Oh, c'est en septembre que ça reprend, tu rigoles ou quoi? 1er septembre, ils sont au taquet dans les... Ah ouais. Bah tu sais quoi, je vais me renseigner. Ah oui, voilà, on va se renseigner pour vous sur la Star Academy, savoir s'il y en a des recrues déjà qui sont apparues. Et puis nous pour la musique, on va s'écouter non pas Bob Sinclair avec l'hymne de la Star Academy, mais Martin Solveig avec Cabo Parano. Voilà. Thank you. Tu veux suivre Estival en permanence? C'est simple. Ah oui! Estivales.fm.free.fr. Estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Club VIP. C'est kiffant de pouvoir suivre le Club VIP quand même en direct sur internet. Tu trouves pas, Léna? Si, si, c'est pas mal. Le public est dans le studio. Ouais, ah ouais, non mais attends, ils sont nombreux, ils sont au taquet dans le studio là. Oui. Les auditeurs le voient pas, mais on a tout un parterre de public en extase devant tes paroles et puis devant les chroniques qui sont quand même pas mal. Croustillante. Il y a quoi d'ailleurs dans la suite du programme? Dans la suite du programme, Le programme. Le dance machine. Réclame le programme. Ah, le d'accord. Dance machine. C'est quoi ça? C'est un hola. Oups, on débranche. C'est un hola. Voilà. D'accord. Non, c'est un titre des années 90 que je retrouve et qui date de l'Eurodance. Mais il s'était envolé, il était tombé. Non, en fait, il était dans le placard, je l'ai retrouvé. Ah, d'accord. Ouais, je retrouve tout dans mes placards et dans mes cartons. T'as des grands placards, hein, faut dire. Bah oui. Le groupe qui suit est français, il chante un featuring avec Lio, c'est un peu décalé, nous on aime bien. C'est Tequila Tex, les matins de Paris. Les matins de Perros, Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Club VIP. Il y a les matins de Perros, il y a les matins de Paris. À l'instant, c'était les matins de Paris sur l'antenne. Voilà. On va retrouver tout de suite la suite. C'est le journal de rédaction. Ça va être énorme puisque vous le savez, la rédaction est en émoi à chaque fois que nous annonçons que nous allons retrouver le journal. Oui, ça va être en émoi. Ah oui, j'ai entendu de l'émoi encore dans le studio. C'est vrai ? Ouais, toujours, toujours. Et ça va commencer maintenant avec les news insolites. À vous. À vous, le studio principal. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, attention. Un bras de fer qui tourne mal au Japon. Et l'élan participe au réchauffement climatique. L'élan contribue lui aussi au réchauffement de la planète en émettant des gaz à effet de serre. Et adulte, ce ruminant peut produire jusqu'à l'équivalent de 2 tonnes 1 de CO2 par an, a annoncé mercredi un chercheur norvégien. Donc l'élan serait donc... Alors j'ai une nouvelle à t'avancer. Oui. Tu sais que nous mangeons beaucoup de viande animale comme de la vache ou du bœuf. Ouais. D'accord ? Ouais. D'ici quelques années, nous atteignerons en fait le milliard de tonnes mangées par les humains et en fait apparemment il y a... La terre serait, on va dire, polluée par les flatulences des vaches. Ah oui, ça c'est... Voilà. Et des élans aussi. Oui, en fait on est mal parce que si tous les animaux, les caribous... Ouais. Donc les rennes et tout ça, donc c'est pas mal. Chaque fois, il nous sort des trucs... Non, mais franchement, il nous sort des études comme ça, alors que ceux des bœufs et des vaches, c'était pareil. Un élan adulte produit 100 kg de méthane par an. C'est ça. C'est ça. Ah, tu savais pour l'élan aussi ? Mais oui ! T'es trop renseigné, trop fort, trop balèze. Alors, la prochaine, moi, elle me fait rire parce que... Oh, il arrive qu'on en fasse. Ouais. Un bras de fer qui tourne mal au Japon. De nouvelles machines de jeu de bras de fer installées il y a un mois dans les salles de divertissement du Japon vont partir à la casse après avoir fracturé les bras de 3 joueurs. Dont celui d'un touriste français. Eh oui, a annoncé mercredi l'inventeur du résistant appareil. La machine baptisée Ulmashi, donc ça veut dire les esprits du bras, vous avez, pour ceux qui parlent un peu japonais, je sais que vous êtes quand même nombreux, permet pour 100 yens, soit 0,65€, de se mesurer à un bras de fer artificiel au-dessus d'une table en forme de tonneau. Les joueurs ont le choix entre 10 niveaux de force, représentés par des personnages allant de la soubrette française au catcheur professionnel. Mais le fabricant, la société Atlus, va retirer immédiatement les 155 machines en service à travers le Japon après 3 épreuves de force un peu trop littérales, au cours desquelles un Français de 19 ans, un Sud-Coréen de 25 ans et un Japonais de 24 ans ont eu un bras cassé. C'est ridicule comme invention. La suite est avec Léna et c'est les programmes estivales qui apparemment c'est le sport, c'est également la culture. Alors aujourd'hui jeudi, donc pour l'après-midi, vous avez modelage de ballon de 16h à 17h, du football américain de 15h30 à 16h30 et c'est à Trestraou, et de la tech de 16h30 à 17h30 et c'est aussi à Trestraou. Pour la soirée, c'est rando kayak de 17h à 19h30, du bowling de 19h30 à 21h et podium jeune talent ce soir au jeudi de Trestraou de 21h à 21h45. Ouais. Pour vendredi après-midi, vous avez fabrication de cartes postales en relief de 14h à 16h, un tournoi de foot sur herbe de moins de 14 et des plus de 14 de 15h à 17h30 à Kerabram. Pour la soirée du vendredi, c'est balade en voilier de 17h à 19h30 et initiation tennis de table de 17h à 18h et de 18h à 19h. Pour destination bien-être. Donc aujourd'hui, c'est la radio. Est-ce que tu as la zen attitude, Jack ? C'est bizarre que tu me le demandes, j'ai l'impression que t'en doutes. Non, non, j'en doute pas du tout, tu as le sourire, la chemise noire qui va tout à fait avec les couleurs de l'été, c'est parfait. Ensuite, pour vendredi, c'est le multimédia et toi. C'est à Trestraou pour Destination Bien-être, voilà le programme. Bon bah c'est un programme bien réjouissant en perspective, Tony Parker pour la musique. On le surnomme dans le jargon Tipeee et il fait « Balance-toi, Tony P !» Je m'installe, le rap perce dans les charmes, ça va faire mal. Engagé, j'ai la vibe, le pur style. Le public me réclame et j'assume, gars. Dans les pièces, c'est fait. Ils veulent du beurre, ils veulent que ça bouge. est-ce que t'es prête, baby? Ça fait boum boum dans le club, baby. Oh oui, bouge sur la zig lady. Ton hippie cool et smooth, je m'applique. Hey, hey, DJ, balance sa sauce comme d'hab. Rêvé pour la gloire, je le fais comme d'hab. Laisse glisser, tranquille, c'est open bar. Enfile les verres avant 2 heures d'argent. Wow. La boule à face, elle brille. Comme les yeux de cette girl qui me fixe, baby. Tu peux m'escorter pour cette nuit, baby. J'ai déjà ma femme pour la vie. Ok, t'as du mal à me suivre, mais qui m'aime me suit. Musical thérapie, ton esprit. Du Texas à Paris, voulez-vous coucher avec où je vous en prie. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le chill qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai les filles au fichard. Balance, balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Oh baby, go. Check mon hip-hop, toujours au top. Mon flow ricoche, rap et mon job. Stop, jump et jump et jump up. Tony P, All-Star, NBA, oh. Baby, arrête un peu tes bornes. Baby, arrête un peu de me mater. Lady, t'es charmante et tu le sais. Mais sache que seule l'ambiance a de l'effet. Quoi? Nouveau Snoop Dogg dans les enceintes. Quoi? Tu veux danser? Non, c'est pas la peine. Moi, je reste bien assis dans le sofa. Kiffer la vibe en levant les bras. Ramène les girls dans le VIP. Voulez-vous coucher avec? Oh, je vous en prie. Vas-y, balance-toi de gauche à droite. J'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite. Sonic. Balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Balance, balance, balance, balance-toi. Oh baby, go. C'est sympatoche. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0 622 69 18 19. Pardon. 0 622 69 18 19. Club VIP. On fait un petit point sur le programme là, de la radio tout simplement. Ce soir nous aurons c'est jeudi soir. Donc pour ceux qui nous écoutent le jeudi soir c'est passé, vous l'aurez le dimanche. Il y aura jeudi soir à 19h Patrick dit Le Duc qui produira l'émission du Beach Club en compagnie d'un parterre d'invités exceptionnels. Oui. Puisque nous aurons Marie Pervenche. Donc c'est Daniel Evenou. Voilà, nous aurons également le maire de Pérouse-Guirec, monsieur Yvon Bonneau. Mm-hmm. Et il y aura le groupe invité des podiums Jeunes Talents qui sera donc concurrent pour le titre et qui viendront faire un live pour conclure cette dernière du Duc dans c'est les studios. Déjà. Ah ouais, j'ai entendu parler de ça moi. L'été est passé si vite. Bah, c'est-à-dire que le Duc étant très, très demandé à la cour, il a été rappelé auprès du roi. D'accord. Et donc il fera son show ce soir et puis dimanche également pour ceux qui nous écouteraient le soir. Voilà. Le Dance Machine du jour, c'est Léna, c'est un revival et c'est tout de suite dans la radio. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Antiloupe. Donc, c'est un groupe suédois de techno, trance et de dream. Ah ouais, de rêve aussi. Il est composé de deux DJs, David et Robin. En 96, ils sortent leur tout premier album qui s'appelle LP, produit par Stockholm Records et édité en France par le label Polydor. Donc, c'est Polygram. Ouais. Ouais. Cet album rencontre un vif succès sur les radios et se vend très bien. Donc Le groupe décide alors de poursuivre l'aventure en 2000 avec un second album. Mais il sera confronté au refus des maisons de disques. Sniff. Cet album ne sera pas édité en France et les médias français en ont peu parlé. Re-sniff. Oh. Bah, ils ont pas de chance, hein. Non, c'est dommage quand même. En fait, on en entend plus parler depuis l'an 2000. Ah non, ça c'est vrai, ouais. Ah ouais, ils se sont cassés la figure en fait. Ils ont subi le bug de l'an 2000. Ils ont surtout été au placard, comme d'habitude. Comme la plupart des groupes de cette époque. En tout cas, sur notre antenne, ils ont encore la part belle. C'est Antiloupe, In My Mind, In My Mind. Vous allez voir, c'est pour ceux qui s'en rappellent, ça fait ça. Le début est grandiloquent, moi j'aime beaucoup. Oui. C'était Antiloupe avec le titre In My Mind sur l'antenne. Donc c'était plutôt pas mal. Ça bougeait bien. Et la suite, oui, ça bougeait bien, ouais, tout à fait. Mieux que nos boum boum. Club VIP. Mieux que quoi, tu disais? Nos boum boum. C'est parce que t'as été coupé par le jingle en fait. Ça arrive, ça m'arrive assez souvent. Non, mais c'est pas grave, entre les temporaires et les jingles, les jingles ne nous aiment pas à la radio. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les jingles sont là pour nous couper. Ils veulent passer en priorité. Voilà, tout à fait. On va faire un point du côté du programme. Je vois qu'il est moins 20 par rapport à la fin de l'émission. Ouais. Donc, moins 20 minutes. Non, il est pas moins 20 sur vos montres. Ah, oh là là. J'ai pas regardé. Quoique. J'étais en train de vérifier si tu étais pas en train d'enlever de l'heure d'émission ou en rajouter. Quoique ceux qui nous écoutent le soir, il est bien moins 20. Ah, peut-être. Ah ouais, c'est sûr. Mais toi, ceux qui nous écoutent en journée, il est plutôt 15, quoi. Hein 17, moi, j'ai. Ah, 17, ouais, tout à fait. C'est beau de pouvoir donner plusieurs fois l'heure en un seul temps. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, on salue nos auditeurs d'Internet qui, eux, ont un décalage de 2 minutes. C'est vrai. Donc, il est 19. Estival, nouveau son, Summer 2007. Summer 2007. On retrouve quoi après Annie Lennox? Le télescope. D'accord, ça marche. On parle quoi? Bah, Île de la Tentation, mais on fera un tour aussi sur la Star Academy. Ouais, on fait un tour sur la Star Academy. Parce que je me suis renseigné, ça y est. Ah, yes. À tout à l'heure pour la suite du programme. Dark road, and the dark way that leads to my house, and the word says, you're never gonna find me there, oh no, I've got an open door, it didn't get there by itself, it didn't get there by itself, there's a fear. Annie Lennox, Dark Road sur l'antenne, un titre bien sympathique de cette chanteuse qui revient des années 80, elle aussi avec beaucoup de succès. Club VIP. Le Club VIP, la suite avec Léna. Oui, donc ça va être l'île, oui. L'île de la Tentation. L'île de la Tentation avec le télescope, bien sûr. Je pourrais vous faire passer un petit sketch sur l'île de la Tentation que j'avais fait il y a quelques temps, ça vous c'est dit, vrai ça vous dit ouais, ouais. Ah ouais, moi je veux bien. Ouais, ou Koh-Lanta, un mélange entre Koh-Lanta et l'île de la Tentation, c'était les deux. Ah d'accord. Ah oui, je peux pas faire mieux que ce qui a été fait. Et la suite du programme, vous aurez quand même tout simplement le TVscope, donc on fait ça juste derrière. D'accord, on y va. Et puis on fait également la suite, bah, ça sera le 14e épisode de la saga radiophonique Kiss Kiss Forever. Et puis je pense qu'après, ça sera raisonnable de se quitter quand même. Oui, je pense. Un peu. Ouais. Elle était donc en direct dans les studios de la radio hier. Yel, à cause des garçons, c'est son titre. Elle s'appelle Julie, elle est bretonne, elle est géniale, elle cartonne à travers tout le monde. Et notamment sur notre antenne. Tu déconnes. Non, je déconne pas. Ouais, mais c'est ça les paroles. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan. Gros, ça comme, ça comme, ça comme. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui a commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne à pas grand chose, tu déconnes. Ben tu vois, lui me trouve super bonne. À cause des garçons, on met des panilons, on se crève le chignon. À cause des garçons et du corps dira-t-on, on pleure sur tous les tons. À cause des garçons, on s'allume pour de bon. À cause des garçons. C'est le club VIP avec Léna, ça se passe bien dans la bonne ambiance, on s'amuse, on rigole, ouais. C'est la gaudriole en quelque sorte. Et tu as remarqué, aujourd'hui je fais des liaisons qui n'existent pas, Léna. Oui, j'ai même vu que t'avais créé des mots. Ah bon? Oui. Mais nous avions un ancien président de la République qui faisait également des liaisons là où il n'y en avait pas, peut-être... Peut-être que tout simplement je limite la suite du programme, c'était avec le TVscope, donc vous savez ce que c'est, vous connaissez le principe. C'est tout simplement l'ENA qui décrypte la télé pour vous, vous avez plus besoin de la regarder, c'est génial. D'ailleurs, les taux d'audience de la télé ont énormément diminué depuis que tu fais la chronique. C'est vrai? Oui, c'est ce que TF1 tenait à me dire et m'a fait savoir d'ailleurs. Ils étaient très déçus et en même temps, la radio t'en est très reconnaissante. C'est vrai. Voici venu le temps des rires et des larmes et du TVscope. Le TVscope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'île de la Tentation. Donc en fait, j'ai lu une interview de Fiona, l'ex-fiancée de Benjamin. Ah, t'as lu ? Ouais, j'ai lu. Bon, j'arrive à lire encore, ça va, hein. Donc ils sont partis séparés de l'île de la Tentation, mais se sont remis ensemble après. D'accord ? D'accord. Aujourd'hui, c'est un mystère. On sait pas s'ils sont ensemble ou pas. En tout cas, on sait qu'ils regardent ensemble l'émission le mardi soir. Ah, c'est le petit rendez-vous. Alors, l'aventure fut positive pour Fiona. Donc, par rapport à son couple, cette émission a été une thérapie. Pas mal la thérapie quand même. Tu vas au Mexique, sur une île paradisiaque. Donc, voilà la thérapie de couple. Moi, je dis sympa. Elle fut blessée lorsque Benjamin l'a comparée physiquement à la tentatrice Stéphanie. C'est vrai qu'il n'a pas été tendre, il a dit qu'elle était moche, du moins qu'elle était moins belle que Stéphanie. Ouais, que sa copine était moins belle que Stéphanie. Bon, c'est vrai que c'est un peu méchant. Tu l'aurais pris comment, toi ? Bah, très mal, parce qu'en plus, il a rajouté que c'était pas la femme de sa vie. Donc, si t'es avec quelqu'un, bon, bah, c'est quand même un peu pour faire ta vie avec. Donc, ouais. C'est pas cool. Surtout qu'elle, du moins qu'elle ne se ressemble pas physiquement. Donc Benjamin aujourd'hui regrette d'être allé sur l'île de la tentation, le pauvre. Il a bronzé au moins. Bah en fait franchement pas trop. Tant que ça. Ah franchement pas c'était trop. C'était le gars tout blanc peut-être. Ouais c'est celui qui était tout blanc. Voilà. Et en fait j'ai lu aussi une interview de Stéphanie. Donc elle dit je fais croire à Benjamin que je m'étais attachée à lui mais ce n'est pas du tout mon style d'homme. Quand j'ai vu qu'il n'était pas sûr de lui et qu'il doutait de son amour pour sa copine, j'ai joué, j'ai voulu le faire craquer. C'était pour moi juste un challenge, mais à cause de lui, je suis passée pour la chaudasse de service. Fiona mérite mieux, je me demande ce qu'elle, c'est qu'elle lui trouve. La pauvre. Donc, bah ouais. C'est pas mal. Quoi. Bah c'est pas mal toutes tes petites infos quand même. Voilà. Bien sympatoche sur l'île de la tentation, merci de l'avoir suivi en tout cas attentivement. Voilà, et pour la Star Academy, donc il y a le casting, il y a toujours le casting, il est en cours et c'est sur tf1.fr. Et donc vous avez tous les candidats, alors, c'est un peu marrant, ça va de 18 à 33 ans normalement. Donc il y a plus de gens vers... à 35 ans. J'ai Florence de 30 à 35 ans. D'accord. Donc voilà, c'est sympa. Vous pouvez aller voir leurs books, leurs photos et ce qu'ils peuvent chanter. Mais ça chante plutôt pas mal. Il y a des moments, c'est marrant. C'est assez pitoyable. Voilà. Je vous avais promis un petit sketch sur Koh-Lanta, enfin sur toute la télé-réalité. Koh-Lanta, ça en est où d'ailleurs ? C'est bientôt fini, vers la finale normalement. Bah moi je vous propose Gros-Lanta. Et je me demande s'il n'y a pas un mélange un peu d'île de la tentation, on va voir, mais je sais pas, on écoute. Ils sont six aventuriers bien décidés à affronter les dangers d'une île qui réserve bien des surprises. Voici Gros-Lanta. Gros-Lanta. Les règles du jeu sont simples. Il y a deux équipes, les Gronigos et les Konos. Chaque équipe est composée de trois personnes. À la fin de l'aventure, il n'en restera plus qu'une. Ce sera l'aventurier de l'été. Gros-Lanta est une aventure humaine extraordinaire où il faut savoir se surpasser et surpasser les autres. Les aventuriers sont réunis autour du feu pour connaître les règles de la prochaine épreuve de confort. Bonsoir. Aujourd'hui, on va essayer d'améliorer le quotidien sur l'île avec cette deuxième épreuve de confort où vous pourrez gagner un camembert. Hey, super. Alors, Gros-Lanta est une île, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, une portion de terre entourée d'eau. Il s'agit de faire le tour de cette île à la nage. Le premier arrivé fait gagner son équipe et remporte le camembert. L'île de Gros-Lanta a une circonférence de 58 km. Des récifs tranchants comme des lames de rasoir et un élevage de requins blancs en font un endroit quasiment infranchissable. Moussaka semble perdu. Il a franchi les récifs et nage vers l'océan. S'il ne redresse pas le cap, il risque de se retrouver sur l'île de la Tentation. Et cela ne manque pas. Quelques minutes plus tard, Moussaka échoue sur l'île de la Tentation. Ah, Moussaka, oh, tu es beau! Viens, Moussaka, viens! Une fois de plus, il a enfreint les règles en cherchant du confort sur une autre île. Il sera frappé par les videurs de la sécurité de l'île de la Tentation. Vraiment, cette aventure humaine est formidable pour le dépassement de soi-même. C'est une version où Koh-Lanta se rapproche de l'île de la Tentation. C'était une première. Ah, c'est marrant. Alex, Godino, que pasa? Work it out. I wanna tell you my days. I don't believe in miracles. veux suivre Estival en permanence, c'est simple. estivales.es.free.fr. estivales.es.free.fr. Alors, let's go sur le web. Club VIP. Le Club VIP, la suite avec Léna. Oui, présente. Avec le public. Oui, je fais partie du public aussi. Il m'arrive parfois. Nous allons attaquer la suite avec donc Thomas. Vite fait un point sur le sport également. On t'attendait, hein, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que tu faisais? Les auditeurs se languissaient. Ouais. Chaque fois, je prends mon temps pour vous donner les informations les plus importantes. Hein. Bonjour Thomas. Bonjour Jack. Bonjour toute l'équipe. Même le public qui est là. Hein. Ouais. Ça fait plaisir de travailler avec plein de monde comme ça. C'est... ça donne le sourire. Donc, je vais commencer par le football, puisque hier il y avait un match important quand même. C'est le match amical entre la Slovaquie et la France. Et donc, c'est la France qui a gagné 1-0 avec un but d'Henri sur un coup franc. Donc, c'est de bon augure pour le match contre l'Italie. Mais tout à fait, plus ou moins de bon augure. Exactement. Et puis, sinon, côté transfert, il y a Gabriel Anze qui est transféré au Real Madrid pour une indemnité de transfert de 12 millions d'euros. Et donc, il signera un contrat de 4 ans. Il y a également Arjen Robben qui était à Chelsea et qui va au Real Madrid. Pour un transfert de 36 millions d'euros, pour un contrat de 5 ans. Cicinho aussi qui va à l'AS Roma. Cicinho, oui, c'est un Brésilien. Pour 9 millions d'euros et pour un contrat de 5 ans. Et il y a aussi Sylvain Meltort qui va à Rennes, donc qui va signer un contrat de 2 ans. Donc pour une indemnité de transfert de 1,5 million. Voilà. Et ensuite pour le tennis. Alors, cette semaine, c'est le tournoi de New Haven, n'est-ce pas, Jack? Bah oui, je le suis. J'ai pris des billets. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est assez loin, hein. C'est dans le Connecticut quand même. Hein. J'ai pas peur. Pas peur, ça va? Non. Bon, bah il y a quand même des Français qui sont qualifiés pour la huitième de finale. Quand même. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il devient, notre petit Gasquet? Gasquet, il était pas engagé dans le tournoi. D'accord, donc il a pas le risque de s'être qualifié. Voilà. Donc il y a Gilles Simon qui s'est qualifié contre Del Potro en 3-7. Ouais. Il va rencontrer Nikolaï Davydenko en 8ème de finale. C'est le russe. Exactement. Et Paul-Henri Mathieu également s'est qualifié contre Louis Cernat en 2-7. Il va rencontrer Almagro en 8ème. Et sinon il y a Julien Beneteau qui a perdu contre Almagro en 3-7. Et Gaël Monfils qui a perdu contre Wawrinka en 2-7. Ah oui. Et puis juste pour dire aussi, il y a le tirage au sort de l'US Open. Ouais. Donc dans le tableau homme, il y a Richard Gasquet qui aura un tour relativement facile. Il jouera contre un Argentin, Reutemann, qui est pas très connu. Oui, c'est pas grave. Donc voilà, il y a Julien Beneteau qui jouera contre un Italien, Bolelli. Donc là aussi c'est jouable. Simon qui jouera contre un qualifié aussi. Paul-Henri Mathieu qui jouera contre Verdasco. Donc là c'est un peu plus sérieux. Et puis sinon Gaël Monfils qui jouera contre un qualifié, donc ça va. Santoro qui jouera contre un Espagnol Montanès. Donc voilà, okay. En gros. Bon bah c'est bien sympatoche. Ouais. À suivre, exactement. Pour voir qui va le gagner. Je te remercie en tout cas Thomas pour toutes ces explications. Léna dans le studio qui est là toujours? Oui, je suis là. Bien présente. Présente. Alors on y va, tu nous annonces la suite. Alors c'est l'épisode 14 du Kiss Kiss Forever. Elle est forte. Ouais. C'est quoi? C'est la saga radiophonique. T'as 10 secondes pour en parler. D'accord. C'est Brian, un acteur. Il est amnésique et il reconstruit le puzzle de sa vie. Ça te va? Ouais, t'as encore 2 secondes. Ah bah alors, je suis allée plus vite que prévu. Et elle est super sympa. Dans les épisodes précédents, Brian est sorti de l'amnésie. En allant chez son producteur, il se remémore une partie de son accident. C'est sa femme qui lui aurait tiré dessus. Voici l'épisode 14 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Menace cachée ». Bureau du producteur Donald Crockwood, minuit 17. Merci Donald, vous m'avez permis de retrouver une partie de ma mémoire. Je n'ai été qu'un déclic. Il faut toujours une mèche pour arriver à l'explosion. Sans vous, je n'aurais pu faire sauter les barrières qui retenaient mes sombres souvenirs. En effet, c'est terrible de penser que votre femme soit à l'origine de votre malheur. Cela ne m'étonne qu'à moitié. En investissant toute ma fortune dans un film, je prenais un risque. Et votre femme n'était pas très joueuse. Oh, ça dépend avec quoi. Mais avec l'argent, il faut croire que j'avais touché le point sensible. Qu'allez-vous faire? D'abord, je crois qu'il faut que nous fassions ce film à l'ouest de l'amour.